explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Enfant, pendant que certains jouaient aux cow-boys et aux indiens, lui jouait à Cousteau en expédition sur la Calypso. Devenu grand, Laurent Balesta a fait de son rêve de gosse son métier. Biologiste de formation, plongeur et photographe, avec déjà à son actif quelques jolis succès, il a révolutionné la durée de plongée en eau profonde, il a réalisé les premières photos d'un poisson que l'on croyait disparu, le sélacanthe, et depuis 4 ans, il s'est pris de passion pour une horde de requins qui évolue dans les eaux de Polynésie. Une meute de 700 requins qui se rassemblent dans la passe sud de l'atoll de Fakarava. Il s'agit du plus grand regroupement de requins connus à ce jour. De quoi nourrir la curiosité de l'explorateur des fonds marins. Laurent Balesta a organisé plusieurs expéditions avec des scientifiques pour observer et comprendre le comportement et les stratégies de chasse de ces grands prédateurs. Comment se sont déroulées ces expéditions? Qu'ont-elles permis de découvrir? C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Nous partons bivouaquer avec lui au milieu des requins. Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Laurent Balesta. Bonjour Daniel Fievé. Plongeur, photographe, naturaliste, on peut découvrir les superbes photos que vous avez réalisées lors de vos plongées dans les eaux polynésiennes au milieu de ces requins dans l'ouvrage intitulé 700 requins dans la nuit aux éditions Andromède. Et vous allez donc nous raconter ce que ces plongées avec des scientifiques ont permis de comprendre sur l'organisation et la vie de ces grands prédateurs marins. À 17h, nous vous raconterons l'histoire de Jeanne Barrette qui fait partie des exploratrices qui ont bravé tous les interdits pour partir et participer aux grandes expéditions maritimes du XVIIIe siècle, une époque à laquelle les femmes n'étaient pas les bienvenues à bord. Voilà pour la feuille de navigation du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay, préparée par Mathieu Aoued et Sophie Vaux, avec l'aide de Cyrielle Laborde. Vous savez, j'ai fait de la plongée partout dans le monde avec les requins, mais je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. C'était incroyable. En 25 ans de plongée, j'ai dû assister à une prédation seulement une ou deux fois. Et ici, tu sais même pas combien. J'ai arrêté de compter. Ouais, t'as arrêté de compter. Non, c'était incroyable. Je pense que c'était la meilleure plongée de ma vie. Je me suis rendu compte que j'arrive facilement à immobiliser les petits requins. Mais les grands, c'est à peine si j'arrive à les tenir. Ils bougent beaucoup trop. Et ce qu'on veut, c'est un grand. Oui. J'en avais un, mais il s'est libéré et il s'est jeté sur toi. Oui, du coup, je suis resté immobile. Je bougeais plus et j'ai croisé les doigts. Ouais, là, on rigole, hein, mais ça aurait pu ne pas être drôle du tout. Un extrait du film 700 requins dans la nuit, diffusé sur Arte en juin dernier, qui est disponible actuellement en VOD pour ceux qui l'auraient loupé. Laurent Balesta, vous sortiez de l'eau après une plongée de nuit avec votre équipe. On entend tout l'enthousiasme. Quel plongeur qui vous dit « je n'ai jamais fait d'aussi belle plongée avec des requins de ma vie ?» C'est Yanis Papasta Mathieu, qui est, comme son nom ne l'indique pas, de Floride, qui est un chercheur qui a consacré sa vie entière aux requins, même s'il n'est pas très vieux, il a une quarantaine d'années. Et voilà, ce constat comme une preuve que ce site est exceptionnel au-delà de mes propres yeux, quoi. Ouais, même ça. De ces spécialistes-là. C'était fascinant parce qu'il était partagé entre une vraie joie d'avoir vu ça et en même temps une sorte de trouble, presque de déception, d'avoir le sentiment d'avoir rien vu les 25 dernières années passées, quoi. C'est comme une révélation. Ouais, ouais. Mais alors qu'est-ce qu'il a... À tel point qu'il est revenu lui aussi l'année d'après et qu'il a attrapé le virus pour ce lieu où on peut faire des observations comme nulle part ailleurs. En très peu de temps, en quelques semaines, on fait des observations qui demanderaient des décennies ailleurs. Ouais, alors situe-nous cet endroit qui a l'air effectivement assez exceptionnel. Où on se trouve exactement? C'est tout le paradoxe, parce que c'est un lieu en même temps très connu et finalement facile d'accès. Mm-hmm. C'est la passe sud de l'atoll de Fakarava, qui a une vraie réputation, puisqu'en plus c'est un lieu classé réserve Man and Biosphère par l'UNESCO, un lieu où il y a des réglementations, où on peut pas faire ce que l'on veut, et où finalement on peut aller en simple voyageur, en touriste, faire quelques plongées, du moins le jour, la nuit c'est une autre histoire. Et donc voilà, c'est le paradoxe d'un lieu qui à la fois est connu, et qui en même temps recelait encore des secrets incroyables. Il se trouve que ces secrets se passent la nuit et dans des conditions de plongée qui sont pas faciles, en tout cas, j'allais dire psychologiquement, qui sont pas simples au début. Ouais. Nous, il nous a fallu quelques années en fait pour se sentir à l'aise au milieu de la horde de requins en pleine action, en pleine chasse et au cœur de la nuit. Ouais. Voilà. Ce qui explique qu'on soit passé à côté de ces requins pendant tant d'années. Alors, du coup, la passe, on dit la passe de Fakarava. Alors, faut situer un petit peu parce que vous êtes très familier du lieu, mais on est sur un atoll polynésien, hein, assez loin de Tahiti quand même. Ouais, à 1h30 d'avion, plus 3 heures de bateau ensuite. C'est assez reculé. Mais et puis on arrive sur ces atolls, c'est-à-dire ces couronnes de corail. C'est un très grand atoll, un des plus grands du Pacifique, puisqu'il fait presque 60-70 kilomètres de long, 30 ou 40 kilomètres de large. Ouais. Et la passe, c'est ce petit chenal microscopique qui relie cet immense lagon au gigantesque océan Pacifique. Ouais. Et donc dans ce tout petit chenal, les pressions des marées sont très puissante, évidemment, cet océan qui appuie sur cette passe, ce lagon qui se vide, et tout passe à travers ce petit chenal. Ouais. Ça crée des flux de nourriture, ça crée des flux nourriciers qui engendrent toute une chaîne alimentaire, et au sommet de tout ça, il y a les requins gris avec la fruit de nos comptages d'ailleurs de 2014, la plus grande population connue à ce jour en tout cas de requins gris de récif. Faut imaginer une sorte de vallée, de gorge sous-marine de 200 mètres de large. Petit canyon qui fait même pas 200 mètres de large et qui fait moins d'un kilomètre de long. Et tout se passe là-dedans, ces requins sont rassemblés là et ils attendent des aubaines qui arrivent régulièrement au cours de l'année, en particulier au mois de juin, un rassemblement extraordinaire de mérous camouflage, des petits mérous qui eux aussi sont finalement très banals, on les trouve dans tout l'Indo-Pacifique, mais c'est le seul endroit, encore une fois, connu à ce jour, où ils se réunissent dans cette quantité-là, 18 000 mérous, on les a comptés eux aussi, 18 000 mérous sur la surface de deux terrains de foot. Quoi. Ouais. Et c'est d'ailleurs au départ pour eux, pour ces mérous, que vous étiez allé là il y a 4 ans. Hein, vous aviez entendu parler de ce rassemblement de mérous au moment de la pleine lune. Vous vouliez assister à ce grand moment. Voilà, parce que le rassemblement, j'avais compris, la rumeur disait que ce rassemblement durait quelques semaines. Mais j'avais compris aussi que la ponte était, elle, très ponctuelle, une demi-heure dans toute l'année. Mmh. Et de tous ces mérous qui pondent en même temps, quelques personnes m'avaient dit l'avoir observé. Il y avait eu un film amateur qui avait été fait, et c'est tout. Et tout ça était très confus, finalement. Et donc, j'avais juste l'ambition de dire, peut-être on peut être les premiers à le filmer comme il faut, au ralenti, parce que tout ça va très très vite. Ce sont des fulgurances animales, en fait, qui échappent même à ce qu'un œil humain est capable de capter. Donc, c'était ça la seule ambition de 2014. Ouais. Et quand on est arrivé, on a compris qu'il y en a d'autres qui connaissaient le lieu aussi, c'était ces requins, qui la nuit, au lieu de se disperser, parce que dans les passes de Polynésie, les requins vivent rassemblés le jour, ils se reposent, c'est des on appelle ça des murs de requins, ils sont plus, parce que précisément ils ont un côté un peu immobile. Ouais, ils s'organisent un peu en briques comme ça, exactement, sur la ils bouchent la vue presque, mais ils sont en phase de repos, on peut difficilement les approcher d'ailleurs, puisque tout doucement ils s'écartent quand les plongeurs arrivent, ils sont un peu méfiants dans une phase de repos un peu léthargique. Et quand la nuit tombe, en général, en Polynésie, ils se dispersent pour aller, on l'imagine, chasser seul ou en petit groupe, personne ne sait vraiment en réalité. Sauf qu'à Fakarava, à cause de cette énorme présence de poissons dans la passe, eh bien, la nuit, au lieu de se disperser, au contraire, on a l'impression qu'ils sont encore plus nombreux et ils chassent en groupe. Mmh. Ils chassent avec vraiment des formations organisées. Il y a vraiment de la collaboration. Et enfin, c'est ce qui nous a fascinés. C'était une intuition, ces coopérations entre requins, ces animaux qu'on dit pourtant si primitifs, etc. Et on s'est dit, ben, on a cette intuition, on l'a filmé, il faut essayer de le prouver aussi, qu'il y a des collaborations, des coopérations entre eux. Vous étiez venu pour les mérous, vous êtes resté pour les requins en vous disant, il y a là un rassemblement de requins et un comportement collectif que peu de gens ont étudié avant nous. Ouais, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Je suis resté pour les requins, mais ils font partie d'un écosystème. C'est fascinant d'avoir un tel spectacle, un tel fonctionnement. C'est pas juste l'observation d'animaux tout court. On voit des animaux vivre leur vie et vivre toutes, et on peut observer toutes les étapes de ces vies. On peut les voir se nourrir, on peut les voir se reproduire. Tout se passe dans un théâtre minuscule qu'est cette passe. Ouais. Et nous, on est des spectateurs privilégiés qui avons petit à petit gagné des places au premier rang de ce spectacle. C'est exactement ça, gagner des places au premier rang. Parce que vous vous approchez de plus en plus de ce spectacle. Au départ, il y a quand même une appréhension. 700 requins, on a beau savoir qu'a priori, ils n'ont pas de raison de s'attaquer à vous. C'est quelle espèce de requin d'ailleurs? Le requin gris de récif, Carcarinus amblyrhynchos, c'est une espèce on ne peut plus banale dans tout l'Indo-Pacifique. Ouais. Et cette appréhension, vous l'aviez quand même au moment de vous approcher de ce groupe? Oui, alors le jour, non, absolument pas. Moi, j'ai vécu en Polynésie quelques années. Voilà, c'est un requin qu'on peut très bien approcher, qui au contraire est plutôt farouche et s'écarte des plongeurs. Mmh. Voilà. Donc le jour, il n'y avait pas d'inquiétude. Et puis j'avais ce vieux fantasme aussi de faire une plongée de 24 heures en 2014 et d'assister à un cycle complet jour et nuit en une seule plongée. C'était moi, voilà, un petit défi de plongée que j'avais envie de réaliser, un vieux rêve. Et c'est au cours de tous les tests qui ont précédé cette plongée de 24 heures, il a fallu aller voir un peu ce qui se passait la nuit. C'est là qu'on a découvert ce spectacle, de ce ballet de chasse nocturne. Et évidemment, il y a eu de l'appréhension, et j'avoue que la première année de 2014, lors de cette plongée de 24 heures, qui sous-entend 12 heures de nuit, j'ai eu plutôt tendance à m'enfuir du lieu, à tourner autour. Parce que c'est très violent. Il y a vraiment un comportement de groupe où là, c'est une sorte de feu d'artifice, ça jaillit. Et puis surtout, c'est très impressionnant parce que, encore une fois, ça échappe au regard. C'est des fulgurances animales qui vont tellement vite que seule la prise de vue en rafale, en photographie, ou les images vidéo au ralenti permettent de comprendre. Et quand on le regarde comme ça, évidemment, ça a l'air anarchique, chaotique, frénétique. Quand tout à coup, on a des arrêts sur image ou de la vidéo ralenti jusqu'à 1000 images par seconde, il nous a fallu utiliser, tout à coup, on s'aperçoit que c'est plus du tout de la frénésie, c'est pas de l'anarchie, il y a de l'organisation, il y a une précision dans les attaques. Ouais. Et c'est là qu'on a commencé aussi à comprendre que nous n'étions pas des cibles pour eux, nous étions au pire des obstacles sur leur chemin. Vous êtes approché de plus en plus près, vous avez fini par évoluer au cœur de la meute, au point d'être parfois percuté assez violemment par eux. Et on s'est aperçu que nous n'étions pas des cibles, nous étions juste des obstacles. Laurent Balesta, tout se passe comme si vous n'existiez pas pour eux. On a l'impression que vous n'êtes ni des proies, ni des prédateurs. C'est ça, il y a quelque chose qui est désinhibé chez eux quand la nuit tombe. Ils doivent se nourrir. Il faut bien comprendre qu'ils sont affamés. Hein. Ce n'est pas les prédateurs d'une efficacité sans faille dont on nous parle souvent dans les films. Quoi. Il y a beaucoup de loupés. Hein. Mais bien sûr, il y a souvent plus de loupés que de réussite, surtout quand ils chassent seuls. Alors là, c'est 99% du temps, ils ratent leur prise. Et donc forcément, il faut qu'ils réussissent, il faut qu'ils survivent eux aussi. Si on est sur le passage d'une proie, ils vous foncent dessus, mais c'est rien d'autre qu'une bousculade. Voilà. Alors de temps en temps, les bousculades peuvent aller jusqu'à quelques points de suture. C'est vrai, il y a eu le cas à deux reprises. Mais on ne va pas se faire dévorer, voilà, mordre intentionnellement. Ils vous ont blessé comme parfois ils se blessent entre eux involontairement. Il y a des mâchoires qui traînent. Moi j'ai eu quelques points de suture en 2016. Et puis cette année, c'est Yannick, un de mes coéquipiers, qui a eu aussi une petite balafre sur la cuisse. Bon, mais c'est vraiment anecdotique. C'est vraiment anecdotique. Il ne faut pas retenir ça. Il faut retenir que on peut, avec cette espèce-là, dans ce lieu-là, plonger au cœur de la meute Alors, c'est pas un conseil que je donne aux plongeurs, parce que il nous a fallu d'abord comprendre que nous n'étions pas des cibles, ensuite intégrer cette idée-là dans notre propre comportement, arrêter de sursauter, arrêter de s'agiter quand ça arrive, parce que là, sur le coup, oui, une main qui s'agite, ça peut devenir une proie. Vous voyez, oui. Donc, il faut rester calme, et autant au début, c'était pas simple, et du coup, on gardait nos distances, on n'est pas des téméraires, hein. On gardait nos distances, tout simplement, les premières années, et puis petit à petit, on s'est retrouvé à s'approcher de plus en plus près jusqu'à que ce soit Yannick avec sa caméra ou moi avec mon appareil photo, garder l'œil dans le viseur pendant la durée totale de la plongée, tout en sentant les bousculades sur les jambes, sur le voilà. Et c'est ce qui a permis de ramener ces images inédites dont la réalisation est addictive. Être au cœur de l'action comme ça et faire des images, c'est vraiment addictif, parce que tout à coup on réalise des images que nous-mêmes ne sommes pas capables de visualiser réellement, tellement ça va vite. C'est-à-dire que vous redécouvrez vos plongées en regardant les images après. On développe un peu une prise de vue instinctive au fur et à mesure. Il faut voir qu'on a quand même réalisé 3000 heures de plongée là-bas. C'est pas rien. J'ai fait 85 000 photographies sur le lieu pour en garder 222 dans l'ouvrage final. Donc il y a eu beaucoup d'imprégnations, et c'est des prises de vue un peu instinctives. On sent que selon l'espèce proie ciblée, on sait qu'elle va fuir plutôt à la verticale ou qu'elle va fuir en zigzag. Alors on anticipe un peu l'endroit où je vais appuyer sur le déclencheur de mon appareil photo. Et ça fait des surprises incroyables et des plongées où on est dans une espèce d'émotion extrêmement puissante du début à la fin de l'immersion. Nous allons découvrir ce que ces nombreuses plongées au milieu des requins de Fakarava vous ont permis de comprendre sur leur stratégie de chasse et leur comportement. Nous sommes en direct, et pour adresser une question à Laurent Balesta, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. C'est soi-disant Cousteau et ses potes qui ont eu les premiers l'idée de mettre des talkie-walkie à l'intérieur des casques. Mais nous, on a inventé cette petite antenne que vous voyez ici pour qu'on puisse balancer de la musique. Comes back to you, so you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Try. After the Storm. C'était Kali Uchis sur France Inter. On plonge pas au cœur de la meute. On est la meute. C'est pas pour. On fait partie de la meute. Ouais, c'est la sensation que j'ai. Être et dedans. Et avec eux. À un moment donné, t'as envie d'en prendre deux en accolade comme ça. Et de continuer avec eux. Hein? T'as envie de les avoir avec tes toi, copains. C'est tes copains. Moi, il me semble, je me demande si j'ai pas un aileron dorsal qui me pousse dans le dos. Il y en avait partout, ils nous ont pas lâchés. J'ai l'impression qu'il y en a chaque année un peu plus. Des petits, il y a beaucoup de petits. J'ai l'impression qu'il y en a un qui t'a dit papa. Je n'osais pas le dire. C'est marrant, c'est maintenant qu'on est au milieu qu'on prend du recul. Je vais la noter. Oh putain, celle-là. Tu sais quoi, Yannick, tu vas la répéter demain. Laurent Balesta, plongeur naturaliste, heureux, sortant de l'eau. Alors, vous le dites dans avec cet extrait, copains, avec les copains, bien, ouais. On sent qu'il y a une bonne ambiance. Vous venez de sortir d'une plongée avec ces 700 requins. Et vous le dites en plaisantant, vous finissez par vous sentir intégré à la meute. C'est pour la blague ou il y a un peu de ça quand même? Non, je suis pas mystique à ce point. Non, c'est pour la blague. Mais il y a une vraie... Le fait est qu'on est devenu à l'aise au milieu d'eux. Je crois pas que ce soit excessif, que ça soit pas de nouveau déraisonnable. C'est, au contraire, on donne l'image peut-être de casse-cou comme ça, mais vraiment, croyez-moi, dans l'équipe, on est plutôt très raisonnable, voire même un peu, plutôt inquiet en permanence. Tout ça. Donc, si on le fait, c'est que vraiment on a senti que c'était possible. Et c'est vrai que c'est fou. À un moment donné, on est au milieu d'eux, on se pose même plus la question de se faire bousculer. C'est une espèce de chahut permanent. On est au milieu d'une foule. Quand on marche dans, pas en ce moment à Paris, qu'il y a personne, mais quand on marche, je sais pas, au milieu des Champs-Élysées, le jour de la victoire de la Coupe du Monde, on se dit pas, tiens, je suis bousculé. C'est permanent. Ben, il y a un moment donné, on arrive à ce niveau-là. C'est en permanence et on est bien. On est bien parce que on n'a plus vraiment peur. On est juste un peu excité et on voit des choses. On a ce privilège un peu grisant de se dire qu'on est les seuls à voir ça. Avec le devoir de le partager parce que sinon j'aurais pas des sponsors et des partenaires. Et puis des scientifiques qui vous accompagnent aussi pour profiter de ces résultats. C'est vrai qu'il y a un vrai plaisir, que le moteur de tout ça, c'est le plaisir d'explorer, d'avoir. Après, ça c'est le moteur. Pour faire tourner ce moteur, il faut du carburant. Et le carburant, c'est qu'il faut que ça ait du sens, que ce soit utile, que ça serve à la préservation. Parce que, on n'est pas là non plus pour... Si on fait des choses comme ça, financées par des tiers, c'est qu'il faut que ça ait du sens. Et pour mieux observer ces requins, vous avez mis au point un étonnant dispositif, une arche métallique qui doit faire 1m50, 2m de... 4m même. 4m, bien plus grand que ça, j'ai pas les dimensions dans l'œil. C'est équipé de 32 caméras, bien espacées, c'est sur un demi-cercle. Ouais. Et ça vous permet de faire des images dignes des plus grands films hollywoodiens, des scènes que vous observez. C'est pas nous qui avons inventé le principe. Ceux qui ont inventé ce principe-là, c'est les réalisateurs de Matrix. Je sais pas si vous vous souvenez. Après, c'est devenu un peu, ça s'est banalisé dans les films d'action. Mais dans Matrix, pour la première fois, on voyait une scène d'action, une scène de combat d'ailleurs. Et puis tout à coup, l'image se figeait. Et on tourne jusque-là, c'est banal. Mais tout à coup, on tournait autour de cette image figée avant de reprendre le film. C'était dingue. Et je me suis souvent dit, dès ce film-là, faire la même chose sur des choses réelles, sur une scène d'action réelle. Et donc, pourquoi pas des prédations de requins, etc. Et l'idée est venue d'un gars de l'équipe, c'est pas venu de moi, à la post-production, d'ailleurs, quelqu'un qui est pas sur le terrain, Vivien, s'il m'entend, et lui a eu l'idée de ça. Il a balancé cette idée, on a qu'à faire comme dans Matrix, avec ce qu'on appelle le bullet time shot, c'est le terme technique. Cette arche. Voilà, cette arche de cette rampe de caméra. Et là, quand ça a fait tilt, et j'ai plus lâché l'affaire, à son grand regret, parce que ça lui a demandé tellement de travail pour concevoir l'arche, je pense qu'il a passé quelques nuits blanches là-dessus. Mais au final, et après beaucoup, beaucoup d'heures de plongée, parce qu'on a galéré avec cette arche de 4 mètres, la nuit, au milieu des requins qui sont pas des comédiens, ils jouent où ils veulent, Et il fallait que ça se passe au cœur de l'arche. Mais à force de répéter, vous savez, il n'y a pas de secret dans ces images-là. On a développé du matériel, ok, on connaît les lieux, ok, mais après, ce qu'il faut surtout, c'est répéter, répéter encore. Mmh. C'est même le paradoxe de l'aventure, c'est qu'elle se nourrit à un moment donné d'une routine. Ouais. La routine de recommencer tous les jours, la même plongée, à la même heure. Tous les jours et même toutes les nuits. Oui, surtout toutes les nuits. Pourquoi il faut plonger la nuit si on veut voir ces requins en pleine action? Parce que le jour, ils se reposent. Parce que le jour, les poissons auraient très vite le dessus. Ouais. Ils les voient venir. Et déjà la nuit, on voit, hein, quand ils chassent seuls et même en groupe, les proies s'en sortent finalement assez bien. Et il faut vraiment cet avantage de l'obscurité qui permet aux requins qui ont des sens supplémentaires, celui de détecter les champs électriques avec leur museau, qui leur donne ce petit avantage, plus la léthargie des poissons qui dorment la nuit, ça leur donne cet avantage supplémentaire. Donc le jour, ils se reposent, économie d'énergie. Et la nuit, où ils ont un peu plus de chances de capture, ils rentrent en chasse. Donc, nous, il faut qu'on y aille aussi la nuit. Mais vous y allez avec des lumières pour filmer et puis pour vous diriger. Vous ne les perturbez pas, justement, Alors, avec vos lumières ? Ça faisait partie des questions scientifiques de cette année. Est-ce que nos éclairages ont un effet ou non sur les prédations ? Et la réponse, c'est qu'elle est quand même très négligeable, en vérité. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une grande différence, par exemple, entre les nuits sans lune et les nuits de pleine lune. Les proies réagissent pas du tout pareil. Ouais. Les nuits sans lune, les proies sont à l'extérieur du récif. Vraiment, ouais. Elles se baladent. Elles savent qu'elles sont dans le noir total, que les requins ne les voient pas. Donc, il faut vraiment que le requin passe à 20 cm de la proie pour qu'il la détecte avec son système de détection des champs électriques, et c'est-à-dire détecter les battements cardiaques de la proie, ce genre de choses. Mais dès qu'il y a un peu de lumière, et la pleine lune, c'est très lumineux en vérité, à ce moment-là, les requins voient les proies. Et donc les proies, à ce moment-là, ont un comportement de jour, c'est-à-dire que souvent, ils sont cachés, ils sont beaucoup plus alertes. Donc nous, ce qui se passe, c'est que ponctuellement, mais pas dans toute la passe, juste sur quelques mètres carrés, on recrée des conditions un peu de pleine lune. Et donc, on a tout à coup des conditions de chasse naturelles les jours de pleine lune. Mmh. Voilà. C'est ça la petite nuance. On a même passé la passe. On a installé une sorte de d'échographie, c'est-à-dire une caméra acoustique, ce qui permettait de visualiser les mouvements des requins et des proies sans aucune lumière, simplement avec le comme on fait une échographie à une femme enceinte. Et ben on a fait une échographie à la passe et ça nous a permis de voir cet effet de la lumière qui est tout relatif finalement. Et alors, grâce à ces observations, qu'est-ce que vous avez compris de leur façon de chasser? Déjà, est-ce que le fait d'être en groupe, c'est un avantage? Oui, pour c'est eux indéniablement, c'est-à-dire que le requin seul, quand il essaie de chasser, rate ses chasses 9 fois sur 10, voire même bien plus que ça. C'est un très mauvais chasseur, en fait, ce requin qu'on dit super prédateur. Clairement, hein, y a la plupart des requins ont le ventre vide au petit matin. Hein, voilà. Ça, il faut bien le comprendre. Après, ils ont aussi instinctivement, bien sûr, il n'y a rien de conscient là-dedans, mais après, qu'est-ce qu'il y a de conscient dans une meute de loups? C'est aussi très limité, hein, voilà. Ils ont compris qu'il y a une collaboration fonctionne. Et ils n'ont pas de leader, il n'y a pas de chef de meute. Mais ils obéissent quand même à des règles. Les règles des marées, les cycles de la lune. Et on a bien vu qu'ils partent en chasse tous en même temps, au même moment, dans les mêmes endroits. Et on a vu aussi qu'il y avait des sous-organisations. Ils se créent de manière temporaire, le temps d'une journée ou le temps d'une nuit surtout, des duos, des trios qui chassent ensemble avec le principe d'un rabatteur et d'un profiteur. Ouais. Si je tente d'attraper une proie qui me passe devant et que je la rate, il y a d'ailleurs surtout des chances que je la rate, en même temps, je l'affole, elle part dans une direction. Ouais. Il y a de fortes chances que le deuxième soit là en embuscade. C'est terrible pour ces mérous, ils échappent une fois, deux fois, trois fois, et puis la quatrième, ils se font manger. Ouais, et ce qui est génial, c'est qu'on a réussi à faire ces images-là, qui se passent à des vitesses, encore une fois. Hein, il faut filmer à 1000 images par seconde souvent, mais on voit ces mérous réussir à échapper à 1, 2, 3, et puis finir dans la gueule du quatrième. Vous aviez aussi envie de suivre ces requins à l'aide de puces et de caméras embarquées avant de voir comment vous vous y êtes pris. Petit flashback, voici comment Cousteau s'y prenait lui en son temps. Il avait imaginé le squaloscope, une sorte de cage pour emprisonner les requins. Travaillant en équipe, Foulon et Canoë installent leur piège. Un morceau de poisson au bout d'une longue ligne est placé devant la cage. Dès qu'un requin a mordu à l'appât, il est tiré à l'intérieur. Quand il est dans la cage, Foulon ferme la porte en plexiglas, emprisonnant le requin dans le squaloscope. Pour étudier de si près un requin vivant, il faut l'endormir. Pour la première fois, les plongeurs essaieront sous l'eau un narcotique utilisé sur des ours ou des fauves par des chercheurs pour les marquer. Le MS-222 est injecté dans les branchies par une seringue géante. Le requin, que Canoë appelle affectueusement Gargantua, est devenu momentanément docile. De nouveaux appâts attirent d'autres squales qui vont rejoindre Gargantua dans sa cage. Mais ce que l'équipe n'avait pas prévu, c'est qu'attirés probablement par les ondes de détresse émises par les animaux capturés, tous les requins des alentours se précipitent. C'est une horde excitée. Surpris, les plongeurs se serrent de plus en plus autour du squaloscope, tandis que se déchaîne la violence des requins mis en appétit. Quant à Gargantua, au bout de 10 minutes, il reprend apparemment une conduite normale. Le narcotique est efficace et inoffensif. Laurent Balesta, c'est amusant d'écouter ça parce qu'il y a une différence de ton déjà sur le documentaire. Oui. Il y a aussi une différence d'approche et de méthode pour approcher ces requins. Nous, la démarche depuis 2014, que ce soit évidemment pour faire de la science ou de la prise de vue, ça a été très clair dès le début. Aucun nourrissage, aucun appât, rien qui biaise leur comportement naturel. Et vous ne les enfermez pas non plus dans des cages. De toute façon, on est en Polynésie, dans un site protégé et sur une espèce protégée. Donc, il n'est pas question de faire des choses qui dépassent un peu ce cadre-là. Et puis, on a surtout eu la chance de trouver ce lieu où, sans appât, sans nourrissage, on peut faire toutes ces observations. Et alors, on l'entend chez Cousteau, ils injectent des produits pour anesthésier le requin et pour le regarder de plus près. Vous, vous y allez aussi, là encore, de façon beaucoup plus douce. Ouais. Vous hypnotisez les requins. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'hypnose, c'est une façon de vulgariser cette action qui consiste à plonger le requin en catalepsie. C'est pas nous qui avons inventé la méthode, ça vient des années 70. Sauf qu'on s'en était jamais vraiment servi jusque-là de cette méthode. C'était plus un numéro de cirque, pour tout dire, pour touristes fortunés aux Bahamas, qu'un outil scientifique. Et j'aurais jamais cru, même si je connaissais cette méthode depuis longtemps, j'aurais jamais cru que au milieu de la nuit, dans ces scènes d'une violence extrême où les animaux sont excités au maximum qu'ils peuvent l'être, qu'on pouvait, dans cet état-là d'excitation, les mettre en catalepsie et les hypnotiser. Expliquez comment vous faites, parce que vous êtes... Alors, il suffit tout simplement de les attraper par la queue, le lobe supérieur de la nageoire caudale, et de le retourner très, très lentement. J'aime bien le tout simplement. Mais faut quand même le faire. Hein. Vous avez même un peu de mal. J'avoue que j'aurais jamais osé faire ça la première année. Ouais. Et puis petit à petit, on s'est trouvé au milieu d'eux, les avoir toujours sous la main, en quelque sorte. Et puis, tôt ou tard, peut-être pour faire le malin ou quoi, l'un de nous a commencé, tac, à en tenir un, comme ça, une seconde. Puis s'apercevoir qu'effectivement, dès qu'on le tient, ça le calme instantanément. Voire ça l'arrête. Ouais. Et quand on le retourne, alors là, ça le paralyse. Et ça dure presque aussi longtemps qu'on le tiendra. Ouais. Peut-être même, ça peut durer jusqu'à l'asphyxie du requin. C'est peut-être le seul moment où il va réagir, donner un petit coup de queue et s'en aller. Ouais, parce qu'un requin qui n'avance pas, c'est un requin qui s'asphyxie, qui ne peut pas respirer. S'asphyxie, ouais. Et donc, c'est le seul moment où peut-être il peut réagir. Mais ça nous laisse de nombreuses minutes pour faire des manips. Et du coup, quand on a eu cette ambition de marquer, d'installer 40 puces électroniques sur les requins qu'on voulait suivre pendant une année, on s'est dit, au lieu de les pêcher avec des hameçons comme tout le monde fait jusque-là, qui n'est pas très éthique, et en plus qui ne permet pas de choisir les individus, on va le faire à la main pendant la plongée. Voilà comment on en est arrivé à cette méthode qui a fonctionné à merveille. Qui a fonctionné à merveille, ça vous a permis d'implanter des petites puces à certains requins et suivre leur déplacement. C'est ce que nous allons voir dans un instant avec vous, Laurent Balesta. My heart sing. You make everything groovy. Wild thing. Wild thing. Think I love you. But I wanna know for sure. So me tight. I love. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy. Wild thing. Wild Thing, c'était The Trucks sur France Inter. On en a un, les gars. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ah, le voilà. Lorsqu'on retourne le requin, en fait, ça le calme et ça nous permet de travailler beaucoup plus sereinement. Aussi, pour le requin, il est beaucoup moins stressé, en fait, lorsqu'il est à l'envers. La surface de sa peau est très dure, hein ? Il y a plusieurs couches de muscles à traverser. On dirait qu'on fait des incisions douloureuses, mais ce n'est pas le cas. Tout d'abord, il faut savoir que les requins ont un mode de vie très violent, surtout lors de l'accouplement. Ils sont naturellement parés à être blessés. En conséquence, ils ont un système immunitaire en béton. Ils cicatrisent très très vite. On a déjà retrouvé des requins 2 jours après des marquages et ils avaient cicatrisé. Un nouvel extrait du documentaire 700 requins dans la nuit, Laurent Balesta. Alors ça, c'était peut-être une des parties les plus délicates de votre expédition dans la passe de Fakarava en Polynésie. Une fois que vous aviez retourné ces requins, qu'ils étaient en état d'hypnose, avec un lasso, ils étaient remontés jusque sur le bateau, ils restaient dans l'eau, hein, ouais, à côté du bateau. Et là, il y avait cette opération insérée, cette petite puce. C'est une petite chirurgie, parce qu'il faut ouvrir la cavité abdominale sur 2 cm et insérer cette petite puce électronique qui est un petit cylindre de quelques millimètres de diamètre et de 2 cm de long et qui va émettre une impulsion pendant 1 an et demi, 2 ans après. Ça veut dire qu'encore maintenant, c'était il y a combien de temps que vous avez fait l'implantation, c'était en juin-juillet 2017. Ouais. Et 2017, et on est retourné cette année au mois de juin avec plusieurs missions. Alors, il n'y avait plus du tout de production de films cette année 2018 quand on y est allé. On y est allé pour finir le travail scientifique et en particulier récupérer non pas les puces qui sont implantées dans les requins pour toujours, mais les 25 récepteurs qui étaient placés régulièrement dans la passe et qui ont, eux, enregistré 1,9 million de passages de ces 40 requins pendant une année entière, et que les scientifiques maintenant essaient de faire parler, parce qu'ils ont imaginé des tableaux Excel gigantesques, et ils veulent recouper avec l'heure de la journée, est-ce qu'ils étaient à deux, est-ce que les mâles, les femelles chassent plus les uns que les autres, est-ce que selon la période de l'année, enfin il y a mille et une hypothèses à tester, et sur la base de ces enregistrements qui ont duré une année. Et qui pourrait continuer d'ailleurs, parce que les émetteurs qu'ils ont dans le ventre va continuer d'émettre encore assez longtemps. Les batteries durent très longtemps. Alors les premières données ont quand même donné quelques renseignements organisés par groupe à différents endroits. On voit qu'ils suivent vraiment le cycle de la Lune, que l'activité nocturne n'est pas la même au cours du cycle lunaire. Que effectivement, quand il y a plus de lumière de lune, ils chassent davantage. Pour autant, c'est pas à la pleine lune qu'ils chassent le plus, ce qui peut paraître paradoxal. Mais le problème, c'est que la pleine lune, c'est comme ça, c'est à minuit qu'elle brille le plus. Or, minuit, c'est pas leur heure de prédilection. Ils préfèrent 18h et 6h du matin, au coucher et au lever. De nuit, mais près du champ du basculement. Donc ça, c'est plutôt les demi-lunes. C'est-à-dire quand on a une demi-lune au zénith, c'est un peu compliqué. Minutie, en fait, on se rend compte, vous êtes devenu un vrai expert de la façon dont tout ça s'organise. Oui, expert de quelque chose où il n'y a pas d'expert. Alors c'est ce que c'est les experts d'après Sylvain. Ouais, Sylvain Tesson donne une bonne définition de l'expert, le spécialiste de l'invérifiable. Voilà. Vendez bien en tout cas. Non, mais voilà, en tout cas, c'est sûr qu'on a appris plein de choses, mais comme toujours, et ça nous a encore plus posé de questions. Et puis surtout, il y a tellement de données collectées sur une année d'enregistrement de ces déplacements de requins qu'il va falloir longtemps à Johan, à Yanis et à Charlie pour faire parler toutes ces données, tous ces déplacements. Ça, ce sont les scientifiques qui vous accompagnaient. Il y avait aussi parmi ces scientifiques un bioacousticien belge, Éric Parmentier. Alors lui a travaillé notamment sur le son, bien que les requins n'émettent pas de son. Le passage de Fakarava est très sonore. Ce qu'on entend là juste derrière moi, c'est un poisson justement. Un petit poisson écureuil. En fait, le monde du silence, si cher à Cousteau, il est sacrément bruyant. Ceci dit, je suis persuadé que Cousteau, il savait que ça gueulait. Tu peux me passer Balista Puce, s'il te plaît ? Ce qu'on observe dans la passe, c'est que de jour ou de nuit, ce sont des sons différents. Donc ça veut dire que, évidemment, on peut le comprendre aisément, le poisson va passer 24 heures à gueuler, c'est physiquement impossible, il a d'autres choses à faire dans la journée. Et ce qu'on observe dans les premières analyses, c'est que les poissons ont des périodes bien précises qui leur sont un peu réservées, et pendant ces périodes, ils vont faire du son. Il y en a certains, ça va être au début d'après-midi, d'autres ça va être à la tombée de la nuit, d'autres ça va être entre 10h et midi. Alors c'est très cool d'avoir autant de sons, parce qu'on peut essayer d'étudier ce qui se passe pendant le jour, ce qui se passe pendant la nuit, à marée rentrante, à marée sortante, la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Par contre, on se retrouve avec un gros problème qui est simplement, mais qui dit quoi ? Les sons de stress, on pourrait aussi les comparer par rapport au son que va faire le poisson s'il est chassé par un requin, par exemple. Le but du travail sur le long terme, c'est de pouvoir rester les pieds au sec, tremper un micro dans l'eau et pouvoir décrire ce qui se passe en dessous. Pouvoir identifier les différentes espèces qui sont présentes, comprendre ce qu'elles se disent et donc ainsi suivre l'évolution de la passe de Fakarava. Éric Parmentier, qui est passionnant, hein. Écoutez, c'est un de vos collègues, il était avec vous dans cette passe de Fakarava. Elle est assez originale, cette approche d'enregistrer, d'essayer de comprendre la biodiversité par le son. C'est la bioacoustique, c'est une discipline assez nouvelle quand il s'agit des écosystèmes côtiers, les récifs coralliens, les herbiers sous-marins, les fonds rocheux, enfin tout ça. On a la bioacoustique, on a l'impression que c'est le chant des baleines, le chant des dauphins. Voilà. Ouais. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est logique. On est dans le monde sous-marin, c'est un milieu où la lumière pénètre mal, où la visibilité est toujours limitée. Et regardez, même sur Terre, dans une forêt où la visibilité est plus grande que sous l'eau, les oiseaux communiquent, tous les animaux font des bruits, les mammifères se parlent les uns les autres. Donc c'était évident que sous l'eau, ça ne pouvait être que plus. Ouais. Sauf que les oreilles humaines sont telles que sous l'eau, on entend une espèce de bourdonnement incompréhensible, et que pendant longtemps, on a négligé ça. Et aujourd'hui, on s'y intéresse de beaucoup beaucoup plus parce que la technologie des micros a évolué et on s'aperçoit que les animaux communiquent incroyablement. Une crevette de quelques centimètres parle avec une crevette qui peut être à 300 mètres d'elle. De façon acoustique. Mais oui, de façon acoustique, en faisant craquer ses pinces, en faisant craquer ses mandibules. Les poissons ont des systèmes de tambours grâce à leur vessie natatoire qui leur permet de communiquer. Et depuis que j'ai passé du temps avec Eric, moi le premier, je tends l'oreille beaucoup plus sous l'eau, surtout que désormais on plonge avec des scaphandres recycleurs qui ne font pas de bulles, donc pas de bruit, donc on entend beaucoup mieux ce qui se passe. Et encore, il y a quelques jours, j'étais en Corse, on faisait des plongées nocturnes sur des herbiers de Posidonie, qui ont un côté un peu monotone, tout en étant un écosystème majeur, essentiel à la Méditerranée, mais c'est vrai que c'est une grande prairie, comme ça, il n'y a pas... Et si on, tout à coup, on ferme les yeux et qu'on ouvre les oreilles, ça devient passionnant. J'avais l'impression d'être au pied d'une mare avec des grenouilles partout. Ouais. Ça croassait partout. Et j'ai compris, il m'a fallu du temps d'ailleurs, pour piger ça, ce que sont des rascasses qui font ça, ces petits poissons de roche qu'on mange dans la bouillabaisse. C'est elles qui communiquent comme ça dès que la nuit tombe. Mais quel bruit elles font alors, ces rascasses? Des bruits de grenouilles. Voilà. Je vais pas l'imiter, hein. D'accord. J'espérais. Mais tout le monde connaît le bruit d'une grenouille. Voilà. On a vraiment l'impression qu'il y a des grenouilles partout au fond de la mer. C'est qu'un tout petit exemple. Et alors, ce qui est fascinant aussi, c'est que Éric Parmentier et tous ces bioacousticiens, ils commencent à avoir une grande culture de plein de sons, mais souvent, il n'y a pas de nom en face. Ils l'appellent son numéro N233, mais et ils le reconnaissent d'un site à l'autre sans savoir l'identifier. On ne sait pas qui parle. Non, et souvent, c'est là où ça devient complémentaire. Je l'ai vu douter sur des sons où moi, plongeur, je savais exactement quelle espèce c'était. Donc on sent à la fois qu'il y a une... ce sont des spécialistes sur le coup aussi, mais il y a encore plein de choses à apprendre. Et du coup, le couple entre des plongeurs de terrain qui peuvent mettre parfois des noms sur des bruits enregistrés, c'est une discipline pleine d'avenir pour comprendre le monde sous-marin. Suite et fin de notre bivouac au milieu des requins en Polynésie avec Laurent Balesta dans un instant. C'était l'aube Canary sur France Inter. C'est un grand requin blanc. Et un morceau. Larry, tous les spécialistes vous diront que c'est un tueur, un mangeur d'hommes. Voilà la situation. Il semblerait qu'un grand requin blanc se soit approprié les eaux territoriales d'Amity. Il va continuer à s'y alimenter tant que les eaux seront pourvues de nourriture. On n'a aucun moyen de limiter les dégâts. Écoutez, il y a déjà eu 3 incidents. 2 victimes en l'espace d'une semaine et ça n'est qu'un début. On a déjà vu bien pire à Jersey Beach, par exemple, il y a longtemps de ça. 5 personnes ont été mangées. Expliquez-lui ce qui s'est produit. Tout ce qu'on appelle squale est attiré irrésistiblement par le bruit et les turbulences aquatiques produites par un humain qui nage. C'est une donnée naturelle. Ouvrir les plages pour la fête nationale, ça équivaut à leur sonner la cloche pour le déjeuner. Écoutez, monsieur Vaughan, ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. Un authentique miracle de l'évolution. Cette machine nage, ingurgite et fabrique du requin. C'est sa fonction. Vous avez reconnu cet extrait des Dents de la Mer avec ce film de Spielberg. Le réalisateur a contribué à l'image très négative que nous avons encore en tête de cet animal. Laurent Balesta, depuis que vous plongez avec cette horde de requins en Polynésie, l'image que vous aviez d'eux a-t-elle évolué ? Oui, elle a évolué, même si on peut pas comparer toutes les espèces. Hein. C'est pas des requins blancs ni les requins bulldogs de la Réunion. C'est le requin gris de récif qui est un animal qui est finalement autant un prédateur qu'une proie, puisque le grand requin marteau fait des razzias chez les requins gris, ce qui en fait des animaux finalement assez méfiants qu'on peut pas approcher si facilement que ça. Et moi, j'ai voulu surtout donner aussi une image réaliste, réelle. C'est très facile avec les requins de faire des images spectaculaires. Tout ce que l'on voit, 99% des documentaires ou des photographies, c'est fait après du nourrissage ou de l'appâtage. On excite les requins pour qu'ils viennent à soi. Et donc, on peut faire des images très impressionnantes, un peu gore, sanglantes. C'est très facile avec les requins. Là, il se trouve que c'est aussi la chance qu'on a eue de trouver ce lieu, hein, bien sûr. C'est pas qu'une démarche personnelle. On a trouvé un lieu où il n'y a pas besoin de tout ça. On a des chasses véritables. Et tout à coup, ces chasses ont plus rien de sanglant, de désorganisé. On voit qu'il y a une esthétisme, il y a une harmonie naturelle dans ces chasses. Et c'est tout ce que moi, j'ai voulu mettre dans ces photographies. Ça a pris du temps, bien sûr. Il a fallu 4 années de photographie pour faire tout ça. Mais c'est ce que j'ai voulu montrer, qu'il y avait derrière ces actes de survie, de manger sans se faire manger, il y avait une esthétique, il y avait un panache. Aussi, et paradoxalement, il y avait aussi des maladresses qui étaient très touchantes chez les requins solitaires qui se font avoir par les proies qui sont d'une virtuosité qui est aussi à l'opposé de ce qu'on peut croire d'eux, c'est-à-dire des animaux vulnérables parce qu'ils sont tout petits et qu'ils sont rouges, par exemple. Mais alors, jusqu'où vous iriez dans cette notion d'organisation sociale ? Parce que c'est un peu avec cette idée-là que vous y alliez aussi, c'était vous dire, bon, voilà, on connaît les meutes de loups, on connaît aussi le comportement, les comportements sociaux de certains mammifères marins comme les cachalots, comme les dauphins. Là, il s'agit de poissons. Donc, on n'est pas sur des mammifères, on n'est pas avec non. des... Alors, jusqu'où il y a vraiment cette interaction et cette vie en groupe ? J'ai envie de retourner à la question. Jusqu'où doit-on aller dans la conscience des loups à former une meute ? Et est-ce que les loups, la veille, se disent « Gars, hier, ça a merdé, toi, tu vas te mettre à droite demain, tu vas le rabattre sur moi ?» Il y a quand même chez eux aussi quelque chose qui est instinctif. Après, c'est sûr qu'on sent qu'il y a plus d'organisation sociale chez un groupe de mammifères que, par exemple, en mer, si on prend les orques, il y a des chefs, il y a des sous-chefs. Et bon, voilà. Là, on n'en est pas là. On sent qu'il y a quelque chose qui est un peu opportuniste. Au moment où la nuit tombe, on s'organise soudainement comme ça vient. Mais on peut imaginer que dans la nuit des temps, les loups se sont organisés aussi comme ça venait. Et on peut imaginer une évolution future. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui marche ensemble. Nos 40 puces électroniques, ça, c'est pas de l'intuition, c'est des résultats concrets. On voit qu'ils partent ensemble, qu'ils tourbillonnent ensemble autour des proies. Quand on fait des arrêts sur image, on voit que les proies sont encerclées de manière assez propre. Voilà. Par contre, cette coopération a une limite. C'est là la grande différence avec les mammifères. Chez les mammifères, il y a souvent un partage des proies. Une priorité au chef de meute. Voilà. Chez les requins, la coopération s'arrête au moment de la capture, et là, c'est de la compétition pure. Une fois que la proie a été capturée, c'est chacun pour sa peau. C'est chacun pour soi. Question internet de Anne qui vous demande, la population de requins est-elle constante dans la passe où vous êtes allé, ou est-ce que vous avez noté une évolution en y allant régulièrement ? On voit qu'elle, déjà au cours de la même saison où l'on est présent, ça peut passer du simple au double. Par exemple, en 2017, quand nous sommes arrivés, nous avons compté 350 requins. Et quand nous sommes partis cette semaine après, on était à 640. Voilà, donc il y a une grande évolution déjà sur ces quelques semaines, qui sont sans doute liées au fait qu'il y a 18 000 mérous entre-temps qui viennent d'arriver pour se reproduire, donc ouais. Qui attirent quand même les squales. Voilà. Il y a, donc c'est difficile de parler d'une évolution. On a déjà des chiffres sur 5 années. Globalement, cette population augmente. Ceci étant, on voit les signes sont clairs. D'abord, par exemple, il y a beaucoup de reproductions de requins. Cette année, c'est la première fois que je vois autant de juvéniles, c'est-à-dire des requins gris qui sont plus petits que les mérous. Ils font 40 cm de long, ah oui. Des tout petits requins gris. J'ai fait l'effort cette année de pouvoir faire des photos où sur un même plan, j'ai un mérou et un de ces bébés requins. Le mérou pourrait presque l'avaler, quoi. Ah oui. Voilà. Donc il y a de la naissance. S'il y a de la naissance, c'est qu'on est dans une population quand même qui est en essor. Les mérous, eux aussi. Après, il y a des cycles dynamiques qui font que si la population de prédateurs grandit, elle va avoir un effet sur la population de proies qui va diminuer. Mmh. Si les proies diminuent, les prédateurs vont diminuer à leur tour. Et puis voilà, on est sur des équilibres dynamiques. Ce qu'on voit sur 5 années, quand même, globalement, c'est une augmentation du nombre de requins gris qui est plutôt significative, qui demande encore d'être vérifiée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, ben c'est un lieu préservé. Ensuite, il ne faut pas se mettre des œillères. On est dans un lieu préservé qui est sublime, où il y a une réglementation en cours qui va d'ailleurs se forcir maintenant. Mais si on prend la carte du Pacifique, c'est une tête d'épingle sur la carte du Pacifique. Alors pour se réconcilier avec les requins, on peut regarder les photos, acheter votre livre « 700 requins dans la nuit » aux éditions Andromède. Ce sont des photos superbes prises sur 4 ans. Et elles sont triées parmi toutes ces très nombreuses photos, ces milliers de photos que vous avez réalisé. Un grand merci à vous, Laurent Balesta, d'être passé chez nous. Je vous présente notre invité de la deuxième heure. Bonjour Christelle Mouchard. Bonjour. Avec vous, nous allons partir sur les pas de femmes qui sont de véritables exploratrices et qui ont dû braver tous les interdits pour participer aux grandes expéditions maritimes du XVIIIe siècle, une époque à laquelle elles n'étaient pas les bienvenues à bord des navires. Les noms de ces aventurières, et notamment celui de Jeanne Barrette, dont nous parlerons beaucoup, ne sont pas très connus. On va leur rendre justice dans un instant. À l'abordage, papa. Souquez les Artémuses. Ça veut rien dire, souquez les Artémuses.